en Islande, chapitre 46. Cependant, le cadavre de Ponce de Léon, qui était resté auprès de la fontaine, ayant été défiguré par le soleil, les morts des Alpuxar s'en emparèrent et le portèrent à Grenade. E.H., le captif d'Auchali. Cependant, avant l'aube du jour dans lequel nous sommes déjà assez avancés, à l'heure même où la sentence d'ordinaire se prononçait à Munkholm, le nouveau gardien du Splatgest de Drontheim, l'ancien lieutenant et le successeur actuel de Beninus Piagudry, Oglipiglap, avait été brusquement réveillé sur son grabat par le retentissement de la porte de l'édifice sous plusieurs coups violents. Il s'était levé à regret, avait pris sa lampe de cuivre, dont la faible lumière blessait ses yeux endormis, et était allé, en jurant de l'humidité de la salle des morts, ouvrir à ceux qui l'arrachaient si tôt à son sommeil. C'étaient des pêcheurs du lac de Sparbo qui apportaient sur une litière couverte de joncs, d'algues et de limoselles des marais un cadavre trouvé dans les eaux du lac. Ils déposèrent leur fardeau dans l'intérieur de l'édifice funèbre et Oglipiglap leur donna un reçu du mort afin qu'ils pussent réclamer leur salaire. Resté seul dans le Splatgest, il commença à déshabiller le cadavre, qui était remarquable par sa longueur et sa maigreur. Le premier objet qui se présenta à ses yeux, quand il eut soulevé le voile dont il était enveloppé, fut une énorme perruque. « En vérité, se dit-il, cette perruque de forme étrangère m'a déjà passé par les mains. C'était celle de ce jeune élégant français. » Mais, continua-t-il en poursuivant ses opérations, « voici les bottes fortes du pauvre postillon Kramer que ses chevaux ont écrasé. Mais que diable est-ce que cela signifie? L'habit noir complet du professeur Saint-Gramtax, ce vieux savant qui s'est noyé dernièrement. Quel est donc ce nouveau venu qui m'arrive avec la dépouille de toutes mes vieilles connaissances ?» Il promena sa lampe sur le visage du mort, mais inutilement. Les traits, déjà décomposés, avaient perdu leur forme et leur couleur. Il fouilla dans les poches de l'habit et en tira quelques vieux parchemins imprégnés d'eau et souillés de vase. Il les essuya fortement avec son tablier de cuir et parvint à lire sur l'un d'eux ces mots sans suite à demi effacés. Rudbeck, Saxon le grammairien. Arngrim, évêque de Holum. Il n'y a en Norvège que deux comtés, Larvig et Jarlsberg, et une baronnie. On ne trouve de mine d'argent qu'à Kongsberg. De l'aimant, des aspestes, qu'à Sonmoer. De l'améthyste, qu'à Gullbrandschal. Des calcédoines, des agapes, du jaspe, qu'aux îles Faroer. À Nukaiva, en temps de famine, les hommes mangent leurs femmes et leurs enfants. Tormodus, Torfeus. Isleif, évêque de Skaloft, premier historien islandais. Mercure joua aux échecs avec la lune et lui gagna la 72e partie du jour. Malmström, gouffre, Irundo, Irudo, Cicéron, Poichiche, Gloire, Frode le savant, Odin consultait la tête de Mimère, sage. Mahomet et son pigeon, Sertorius et sa biche. Plus le sol, moins il renferme de gypse. « Je ne puis en croire encore mes yeux » s'écria-t-il, laissant tomber le parchemin. « C'est l'écriture de mon ancien maître, Beninus Piagudry. » Alors, examinant de nouveau le cadavre, il reconnut les longues mains, les cheveux rares et toute l'habitude du corps de l'infortuné. « Ce n'est pas à tort, pensa-t-il en secouant la tête, qu'on a lancé contre lui une accusation de sacrilège et de nécromancie. Le diable l'a enlevé pour le noyer dans le Sparbo. Ce que c'est que de nous! Qui eût jamais pensé que le docteur Spiagudry, après avoir si longtemps gardé les autres dans cette hôtellerie des morts, viendrait un jour de loin s'y faire garder lui-même. » Le petit lapon philosophe soulevait le corps pour le porter sur l'une de ses 6 couches de granit lorsqu'il s'aperçut que quelque chose de lourd était attaché par un lien de cuir au cou du malheureux Spiagudry. C'est sans doute la pierre avec laquelle le démon l'a précipité dans le lac, murmura-t-il. Il se trompait. C'était une petite cassette de fer sur laquelle, en la regardant de près après l'avoir soigneusement essuyée, il remarqua un large fermoir en écusson. « Il y a sans doute quelque diablerie dans cette boîte, » se dit-il. « Cet homme était sacrilège et sorcier. Allons déposer cette cassette chez l'évêque. Elle renferme peut-être un démon. » Alors, la détachant du cadavre, qu'il déposa dans la salle d'exposition, il sortit en toute hâte pour se rendre au palais épiscopal, murmurant en chemin quelques prières contre la redoutable boîte qu'il portait. Chapitre 47. Est-ce un homme ou un esprit infernal qui parle ainsi? Quel est donc l'esprit malfaisant qui te tourmente? Montre-moi l'ennemi implacable qui habite ton cœur. Mathurin. Andisland et Schumacher sont dans la même salle du donjon de Schleswig. L'ex-chancelier, absous, se promène à pas lents, les yeux chargés de pleurs amères. Le brigand condamné rit de ses chaînes, environné de gardes. Les deux prisonniers s'observent longtemps en silence. On dirait qu'ils se sentent tous deux et se reconnaissent mutuellement ennemis des hommes. « Qui es-tu ? » demande enfin l'ex-chancelier au brigand. « Je te dirai mon nom, » reprit l'autre, « pour te faire fuir. Je suis Andisland. » Schumacher s'avança vers lui. « Prends ma main, » dit-il. « Est-ce que tu veux que je la dévore ?»« Andisland, » reprend Schumacher, « je t'aime parce que tu hais les hommes. Voilà pourquoi je te hais. Écoute, je hais les hommes comme toi parce que je leur ai fait du bien et qu'ils m'ont fait du mal. Tu ne les hais pas comme moi. Je les hais, moi, parce qu'ils m'ont fait du bien et que je leur ai rendu du mal. » Schumacher frémit du regard du monstre. Il a beau vaincre sa nature, son âme ne peut sympathiser avec celle-là. « Oui, s'écrie-t-il, j'exècre les hommes parce qu'ils sont fourbes, ingrats, cruels. Je leur ai dû tout le malheur de ma vie. Tant mieux, je leur ai dû, moi, tout le bonheur de la mienne. Quel bonheur ! Le bonheur de sentir des chairs palpitantes frémir sous ma dent. Un sang fumant réchauffait mon gosier altéré. La volupté de briser des êtres vivants contre des pointes de rochers et d'entendre le cri de la victime se mêler au bruit des membres fracassés. Voilà les plaisirs que m'ont procurés les hommes. » Schumacher recula avec épouvante devant le monstre dont il s'était approché presque avec l'orgueil de lui ressembler. Pénétré de honte, il voila son visage vénérable de ses mains, car ses yeux étaient pleins de larmes d'indignation, non contre la race humaine, mais contre lui-même. Son cœur, noble et grand, commençait à s'effrayer de la haine qu'il portait aux hommes depuis si longtemps, en la voyant reproduite dans le cœur de Andisland comme par un miroir effrayant. « Eh bien, » dit le monstre en riant, « ennemi des hommes, oses-tu te vanter d'être semblable à moi ?» Le vieillard frissonna. « Oh Dieu, plutôt que de les haïr comme toi, j'aimerais mieux les aimer. » Les gardes vinrent chercher le monstre pour l'emmener dans un cachot plus sûr. Schumacher rêveur resta seul dans le donjon. Mais il n'y restait plus d'ennemis des hommes. Chapitre 48. Quand le méchant m'épie, me ferez-vous tomber, Seigneur, entre ses mains? C'est lui qui, sous mes pas, a rompu vos chemins. Ne me châtiez point, car mon crime est son crime. Alfred de Vigny. L'heure fatale était arrivée. Le soleil ne montrait plus que la moitié de son disque au-dessus de l'horizon. Les postes étaient doublés dans tout le château fort de Munkholm. Devant chaque porte se promenaient des sentinelles silencieuses et farouches. La rumeur de la ville arrivait plus tumultueuse et plus bruyante au sombre tour de la forteresse, livrée elle-même à une agitation extraordinaire. On entendait dans toutes les cours le bruit lugubre des tambours voilés de crêpes. Le canon de la tour basse grondait par intervalles. La lourde cloche du donjon se balançait lentement avec des sons graves et prolongés. Et de tous les points du port, des embarcations chargées de peuple se pressaient vers le redoutable rocher. Un échafaud tendu de noir, autour duquel s'épaississait et se grossissait sans cesse une foule impatiente, s'élevait dans la place d'armes du château, au centre d'un carré de soldats. Sur l'échafaud se promenait un homme vêtu de serge rouge, tantôt s'appuyant sur une hache qu'il tenait à la main, tantôt remuant un billot et une claie que portait l'estrade funèbre. Près de là était préparé un bûcher devant lequel brûlaient quelques torches de résine. Entre l'échafaud et le bûcher, on avait planté un pieu auquel était suspendu un écriteau. « Ordener Gundello, traître ». On apercevait de la place d'armes flotter au haut du donjon de Schleswig un grand drapeau noir. C'est dans ce moment que parut, devant le tribunal toujours assemblé dans la salle d'audience, Ordener condamné. L'évêque seulement était absent. Son ministère de défenseur avait cessé. Le fils du vice-roi était vêtu de noir et portait à son cou le collier de Tannebrog. Son visage était pâle, mais fier. Il était seul, car on était venu le chercher pour le supplice avant que l'aumônier Athanase Munder fût revenu dans son cachot. Ordener avait déjà consommé intérieurement son sacrifice. Cependant, l'époux d'Ethel songeait encore avec quelque amertume à la vie et eût peut-être voulu pouvoir choisir pour sa première nuit de noces une autre nuit que celle du tombeau. Il avait prié et surtout rêvé dans sa prison. Maintenant, il était debout, devant le terme de toute prière et de tout rêve. Il se sentait fort de la force que donnent Dieu et l'amour. La foule, plus émue que le condamné, le considérait avec une attention avide. L'éclat de son rang, l'horreur de son sort, éveillaient toutes les envies et toutes les pitiés. Chacun assistait à son châtiment sans s'expliquer son crime. Il y a au fond des hommes un sentiment étrange qui les pousse, ainsi qu'à des plaisirs, au spectacle des supplices. Ils cherchent avec un horrible empressement à saisir la pensée de la destruction sur les traits décomposés de celui qui va mourir, comme si quelque révélation du ciel ou de l'enfer devait apparaître, en ce moment solennel, dans les yeux du misérable. Comme pour voir quelle ombre jette l'aile de la mort planant sur une tête humaine. Comme pour examiner ce qui reste d'un homme quand l'espérance l'a quitté. Cet être, plein de force et de santé, qui se meut, qui respire, qui vit, et qui, dans un moment, cessera de se mouvoir, de respirer, de vivre, environné d'êtres pareils à lui, auxquels il n'a rien fait, qui le plaignent tous, et dont nul ne le secourra. Ce malheureux, mourant sans être moribond, courbé à la fois sous une puissance matérielle et sous un pouvoir invisible, cette vie que la société n'a pu donner et qu'elle prend avec appareil, toute cette cérémonie imposante du meurtre judiciaire, ébranle vivement les imaginations. Condamnés tous à mort avec des sursis indéfinis, c'est pour nous un objet de curiosité étrange et douloureuse, que l'infortuné qui sait précisément à quelle heure son sursis doit être levé. On se souvient qu'avant d'aller à l'échafaud, Ordener devait être amené devant le tribunal pour être dégradé de ses titres et de ses honneurs. À peine le mouvement excité dans l'assemblée par son arrivée eut-il fait place au calme, que le président se fit apporter le livre héraldique des deux royaumes et les statuts de l'ordre de Dannebrog. Alors, ayant invité le condamné à mettre un genou en terre, il recommanda aux assistants le silence et le respect, ouvrit le livre des chevaliers de Dannebrog et commença à lire d'une voix haute et sévère. Christiane, par la grâce et miséricorde du Tout-Puissant, roi de Danemark et de Norvège, des Vandales et des Goths, duc de Schleswig, de Holstein, de Stormarie et de Dithmars, comte d'Oldenbourg et de Delmenhurst, savoir faisons qu'ayant rétabli, sur la proposition de notre grand chancelier, comte de Grimmenfeld, la voix du président passa si rapidement sur ce nom qu'on l'entendit à peine. L'ordre royal de Dannebrog, fondé par notre illustre aïeul, Saint Valdemar. Sur ce que nous avons considéré que cet ordre vénérable ayant été créé en souvenir de l'étendard Dannebrog, envoyé du ciel à notre royaume béni. Ce serait mentir à la divine institution de l'ordre si quelqu'un des chevaliers pouvait impunément forfaire à l'honneur et aux saintes lois de l'Église et de l'État. Nous ordonnons, à genoux devant Dieu, que quiconque, parmi les chevaliers de l'ordre, aura livré son âme au démon par quelque félonie ou trahison, après avoir été blâmé publiquement par un juge, sera à jamais dégradé du rang de chevalier de notre royal ordre de Dannebrog. » Le président referma le livre. Ordener Gundello, baron de Torvik, chevalier de Dannebrog, vous vous êtes rendu coupable de haute trahison, crime pour lequel votre tête va être tranchée, votre corps brûlé et votre cendre jetée au vent. Ordener Gundello, traître, vous vous êtes rendu indigne de prendre rang parmi les chevaliers de Dannebrog. Je vous invite à vous humilier, car je vais vous dégrader publiquement au nom du roi. » Le président étendit la main sur le livre de l'ordre et s'apprêtait à prononcer la formule fatale sur Ordener, calme et immobile, lorsqu'une porte latérale s'ouvrit à droite du tribunal. Un huissier ecclésiastique parut, annonçant sa révérence l'évêque de Trondheimus. C'était lui, en effet. Il entra précipitamment dans la salle, accompagné d'un autre ecclésiastique qui le soutenait. « Arrêtez, seigneur président » cria-t-il avec une force qui semblait n'être plus de son âge. « Arrêtez, le ciel soit béni, j'arrive à temps !» L'assemblée redoubla d'attention, prévoyant quelque nouvel événement. Le président se tourna vers l'évêque avec humeur. « Votre révérence me permettra de lui faire remarquer que sa présence est inutile ici. Le tribunal va dégrader le condamné, qui touche au moment de subir sa peine. »« Gardez-vous, dit l'évêque, de toucher à celui qui est pur devant le Seigneur. Ce condamné est innocent. » Rien ne peut se comparer au cri d'étonnement qui retentit dans l'auditoire, si ce n'est le cri d'épouvante que poussèrent le président et le secrétaire intime. « Oui, tremblez, juge !» poursuivit l'évêque avant que le président eût eu le temps de reprendre son sang-froid. « Tremblez, car vous alliez verser le sang innocent !» Pendant que l'émotion du président se calmait, Ordener s'était levé, consterné. Le noble jeune homme craignait que sa généreuse ruse ne fût découverte et qu'on eût trouvé des preuves de la culpabilité de Schumacher. « Seigneur évêque, dit le président, dans cette affaire, le crime semble vouloir nous échapper en passant de tête en tête. Ne vous fiez pas à quelque vaine apparence. Si Ordener Gundello est innocent, quel est donc alors le coupable ?»« Votre grâce va le savoir, » répondit l'évêque. Puis, montrant au tribunal une cassette de fer qu'un serviteur portait derrière lui, « Noble seigneur, vous avez jugé dans les ténèbres. Dans cette cassette est la lumière miraculeuse qui doit les dissiper. » Le président, le secrétaire intime et ordinaire parurent frappés en même temps à l'aspect de la mystérieuse cassette. L'évêque poursuivit. « Noble juge, écoutez-nous. Aujourd'hui, au moment où nous rentrions dans notre palais épiscopal, afin de nous reposer des fatigues de la nuit et de prier pour les condamnés, on nous a remis cette boîte de fer scellée. Le gardien du Splatgest l'avait, nous a-t-on dit, apportée ce matin à notre palais pour qu'elle nous fût remise, affirmant qu'elle renfermait sans doute quelque mystère satanique, attendu qu'il l'avait trouvée sur le corps du sacrilège Beninius Piagudry, dont on a retiré le cadavre du Sparbo. » L'attention d'ordinaire redoubla. Tout l'auditoire se taisait religieusement. Le président et le secrétaire courbaient la tête comme deux condamnés. On eût dit qu'ils avaient tous deux oublié leur astuce et leur audace. Il y a un moment dans la vie du méchant où sa puissance s'en va. « Après avoir béni cette cassette, continua l'évêque, nous en avons brisé le sceau, qui portait, comme vous pouvez le voir encore, les anciennes armoiries abolies de Grimfenfeld. Nous y avons trouvé en effet un secret satanique. Vous allez en juger, vénérable seigneur. Prêtez-nous toute votre attention, car il s'agit ici du sang des hommes, et le seigneur en pèse chaque goutte. » Alors, ouvrant la formidable cassette, il en tira un parchemin au dos duquel était écrite l'attestation suivante. « Moi, Blackstam Cumbisulsum, docteur, je déclare, au moment de mourir, remettre au capitaine Dispolsen, procureur à Copenhague, de l'ancien comte de Grimfenfeld, la pièce suivante, entièrement écrite de la main de Turiaf Muisdehemon, serviteur du chancelier comte d'Alefeld, afin que le sunommé capitaine en fasse l'usage qu'il lui plaira. Et je prie Dieu de me pardonner mes crimes. À Copenhague, le 11e jour du mois de janvier 1699. Cumbisulsum. » Le secrétaire intime tremblait d'un tremblement convulsif. Il voulut parler et ne put. L'évêque, cependant, remettait le parchemin au président, pâle et agité. « Que vois-je ? » s'écria celui-ci en déployant le parchemin. « Note au noble comte d'Alefeld sur le moyen de se défaire juridiquement de Schumacher. Je vous jure, révérend évêque !» Le parchemin tomba des mains du président. « Lisez, lisez, seigneur !» poursuivit l'évêque. « Je ne doute pas que votre indigne serviteur n'ait abusé de votre nom, comme il a abusé de celui du malheureux Schumacher. Voyez seulement ce qu'a produit votre haine peu charitable pour votre prédécesseur tombé. Un de vos courtisans a machiné en votre nom sa perte, espérant sans doute s'en faire un mérite auprès de votre grâce. » En montrant au président que les soupçons de l'évêque, qui connaissait tout le contenu de la cassette, ne tombaient pas sur lui, ses paroles le ranimèrent. Ordinaire respirait également. Il commençait à entrevoir que l'innocence du père de son Ethel allait éclater en même temps que la sienne propre. Il éprouvait un profond étonnement de cette destinée bizarre qui l'avait conduit à la poursuite d'un formidable brigand pour retrouver cette cassette que son vieux guide Beninus Piagudry portait sur lui, en sorte qu'elle le suivait pendant qu'il la cherchait. Il méditait aussi la grave leçon des événements qui, après l'avoir perdue par cette fatale cassette, le sauvait par elle. Le président, rappelant son sang-froid, lut alors, avec les signes d'une indignation que partageait tout l'auditoire, une longue note où Muisdehemon expliquait en détail l'abominable plan que nous lui avons vu suivre dans le cours de cette histoire. Plusieurs fois, le secrétaire intime voulut se lever pour se défendre, mais à chaque fois, la rumeur publique le repoussait sur son siège. Enfin, l'odieuse lecture se termina au milieu d'un murmure d'horreur. « Hallebardier, qu'on saisisse cet homme !» dit le président, désignant le secrétaire intime. Le misérable, sans force et sans parole, descendit de son siège et fut jeté sur le banc d'infamie parmi les huées de la populace. « Seigneur juge, dit l'évêque, frémissez et réjouissez-vous. La vérité qui vient d'être portée à vos consciences va encore vous être confirmée par ce que l'aumônier des prisons de cette royale ville, notre honoré frère Athanase Munder, ici présent, va vous apprendre. » C'était en effet Athanase Munder qui accompagnait l'évêque. Il s'inclina devant son pasteur et devant le tribunal, puis, sur un signe du président, il s'exprima ainsi. « Ce que je vais dire est la vérité. Me punisse le ciel si je profère ici une parole dans une intention autre que celle de bien faire. J'avais, d'après ce que j'avais vu ce matin dans le cachot du fils du vice-roi, pensez en moi-même que ce jeune homme n'était point coupable, quoique vos seigneuries l'aient condamné sur ses aveux. Or, j'ai été appelé, il y a quelques heures, pour donner les derniers secours spirituels au malheureux montagnard qui a été si cruellement assassiné devant vous, et que vous aviez condamné, respectable seigneur, comme étant en Islande. Voici ce que m'a dit ce moribond. « Je ne suis point en Islande. J'ai été bien puni d'avoir pris ce nom. Celui qui m'a payé pour jouer ce rôle est le secrétaire intime de la grande chancellerie. Il se nomme Musduemon et il a machiné toute la révolte sous le nom de Hackett. Je crois qu'il est le seul coupable dans tout ceci. » Alors il m'a demandé ma bénédiction et recommandé de venir en toute hâte reporter ses dernières paroles au tribunal. Dieu est témoin de ce que je dis. Puissais-je sauver le sang de l'innocent et ne point faire verser celui du coupable ? Il se tut, saluant de nouveau son évêque et les juges. « Votre grâce voit, Seigneur, dit l'évêque au président, que l'un de mes clients n'avait point saisi à tort tant de ressemblances entre ce Hackett et votre secrétaire intime. » « Turiaf Musdemon, demanda le président au nouvel accusé, qu'avez-vous à alléguer pour votre défense ? » Musdemon leva sur son maître un regard qui l'effraya. Toute son assurance lui était revenue. Il répondit, après un moment de silence, « Rien, seigneur. » Le président reprit d'une voix altérée et faible, « Vous vous avouez donc coupable du crime qui vous est imputé ? Vous vous avouez auteur d'une conspiration tramée à la fois contre l'État et contre un individu nommé Schumacher ? Oui, seigneur, répondit Musdemon. L'évêque se leva. Seigneur président, pour qu'il ne reste aucun doute dans cette affaire, que votre grâce demande à l'accusé s'il a eu des complices. Des complices ? Répéta Musdemon. Il parut réfléchir un moment. Un horrible malaise se peignit sur le front du président. « Non, seigneur évêque, » dit-il enfin. Le président jeta sur lui un regard soulagé qui rencontra le sien. « Non, je n'ai point eu de complice, » répéta Musdemon avec plus de force. « J'avais tramé tout ce complot par attachement pour mon maître, qui l'ignorait, pour perdre son ennemi Schumacher. » Les regards de l'accusé et du président se rencontrèrent encore. « Votre grâce, reprit l'évêque, doit sentir que, puisque Musdemon n'a point eu de complice, le baron ordinaire Guldenlow ne peut être coupable. » « S'il ne l'était pas, révérend évêque, comment se serait-il avoué criminel ? Seigneur président, comment ce montagnard s'est-il obstiné à se dire en Islande au péril de sa tête ? Dieu seul sait ce qui existe au fond des cœurs. » Ordener prit la parole. « Seigneur juge, je puis vous le dire, maintenant que le vrai coupable est découvert. Oui, je me suis faussement accusé pour sauver l'ancien chancelier Schumacher, dont la mort eût laissé sa fille sans protecteur. » Le président se mordit les lèvres. « Nous demandons au tribunal, dit l'évêque, que l'innocence de notre client ordinaire soit proclamée par lui. » Le président répondit par un signe d'adhésion. Et sur la demande du haut syndic, on acheva l'examen de la redoutable cassette, qui ne renfermait plus que le diplôme et les titres de Schumacher, mêlés à quelques lettres du prisonnier de Munkholm au capitaine d'Ispolsen. Lettres amères sans être coupables, et qui ne pouvaient effrayer que le chancelier d'Alefeld. Bientôt le tribunal se retira, et après une courte délibération, tandis que les curieux rassemblés dans la place d'armes attendaient avec une impatience opiniâtre le fils du vice-roi condamné, et que le bourreau se promenait nonchalamment sur l'échafaud, le président prononça, d'une voix presque éteinte, l'arrêt qui condamnait à mort Thuriaf Musduemon et réhabilitait ordinaire Gundenlow, le réintégrant dans tous ses honneurs, titres et privilèges. Chapitre 49. Combien me vendras-tu ta carcasse, mon drôle? Je n'en donnerai pas en honneur une obole. Saint-Michel à Satan. Mystère. Ce qui restait du régiment des arquebusiers de Munkholm était rentré dans son ancienne caserne, bâtiment isolé au milieu d'une grande cour carrée dans l'enceinte du fort. À la nuit tombante, on barricada, suivant l'usage, les portes de cet édifice où s'étaient retirés tous les soldats, à l'exception des sentinelles dispersées sur les tours et du peloton de garde devant la prison militaire adossée à la caserne. Cette prison, la plus sûre et la mieux surveillée de toutes les prisons de Munkholm, renfermait les deux condamnés qui devaient être pendus le lendemain matin, Andisland et Musduemon. Andisland est seul dans son cachot. Il est étendu sur la terre, enchaîné, la tête appuyée sur une pierre. Quelque faible lumière vient jusqu'à lui à travers une ouverture quadrangulaire, grillée, pratiquée dans l'épaisse porte de chêne qui sépare son cachot de la salle voisine, où il entend ses gardiens rire et blasphémer, au bruit des bouteilles qu'il vide et des dés qu'il roule sur un tambour. Le monstre s'agite en silence dans l'ombre. Ses bras se resserrent et s'écartent, ses genoux se contractent et se déploient, ses dents mordent ses fers. Tout à coup, il élève la voix, il appelle. Un guichetier se présente à l'ouverture grillée. « Que veux-tu ? » dit-il au brigand. Andisland se soulève. « Compagnon, j'ai froid. Mon lit de pierre est dur et humide. Donne-moi une botte de paille pour dormir et un peu de feu pour me réchauffer. » « Il est juste, reprend le guichetier, de procurer au moins ses aises à un pauvre diable qui va être pendu, fût-il le diable d'Islande. Je vais t'apporter ce que tu me demandes. As-tu de l'argent ?»« Non, répond le brigand. Quoi ? Toi, le plus fameux voleur de la Norvège, tu n'as pas dans ta sacoche quelques méchants ducats d'or ?»« Non, répond le brigand. Quelques petits écus royaux ?»« Non, te dis-je. Pas même quelques pauvres ascalins ?»« Non, non, rien. Pas de quoi acheter la peau d'un rat ou l'âme d'un homme. » Le guichetier hocha la tête. « C'est différent. Tu as tort de te plaindre. Ta cellule n'est pas aussi froide que celle où tu dormiras demain, sans t'apercevoir, je te jure, de la dureté du lit. » Cela dit, le guichetier se retira, en portant une malédiction du monstre qui continua de se mouvoir dans ses chaînes, dont les anneaux rendaient, par intervalles, des bruits faibles, comme s'ils se fussent lentement brisés sous des tiraillements violents et réitérés. La porte de chêne s'ouvrit. Un homme de haute taille, vêtu de serge rouge et portant une lanterne sourde, entra dans le cachot, accompagné du guichetier qui avait repoussé la prière du prisonnier. celui-ci cessa tout mouvement. « En Islande, » dit l'homme vêtu de rouge. « Je suis Nicole Orugix, bourreau du Drontheimus. Je dois avoir demain, au lever du jour, l'honneur de pendre ton excellence par le cou à une belle potence neuve, sur la place publique de Drontheim. » « Es-tu bien sûr, en effet, de me pendre ?» répondit le brigand. Le bourreau se mit à rire. « Je voudrais que tu fusses aussi sûr de monter droit au ciel par l'échelle de Jacob que tu es sûr de monter demain au gibet par l'échelle de Nicole Orugix. » « En vérité, » dit le monstre avec un malicieux regard, « je te répète, seigneur brigand, que je suis le bourreau de la province. » « Si je n'étais, moi, je voudrais être toi, » reprit le brigand. « Je ne t'en dirai pas autant, » reprit le bourreau. Puis, se frottant les mains d'un air vain et flatté, « Mon ami, tu as raison, c'est un bel état que le nôtre. Ah, ma main sait ce que pèse la tête d'un homme. » « As-tu quelquefois bu du sang ?» demanda le brigand. « Non, mais j'ai souvent donné la question. » « As-tu quelquefois dévoré les entrailles d'un petit enfant vivant encore ?»« Non, mais j'ai fait crier des os entre les ais d'un chevalet de fer. J'ai tordu des membres dans les rayons d'une roue. J'ai ébréché des scies d'acier sur des crânes dont j'enlevais les chevelures. J'ai tenaillé des chairs palpitantes avec des pinces rougies devant un feu ardent. J'ai brûlé le sang dans des veines entrouvertes en y versant des ruisseaux de plomb fondu et d'huile bouillante. « Ouais, » dit le brigand pensif, « tu as bien aussi des plaisirs. » « En somme, » continua le bourreau, « quoique tu sois en Islande, je crois qu'il s'est encore envolé plus d'âmes de mes mains que des tiennes. » Sans compter celle que tu rendras demain. En supposant que j'en ai une, crois-tu donc, bourreau du Trotheimus, que tu pourrais faire partir l'esprit d'un golfe du corps de Handisland sans qu'il emportât le tien? La réponse du bourreau commença par un éclat de rire. Ah, vraiment, nous verrons cela demain. Nous verrons, dit le brigand. Allons, dit le bourreau. « Je ne suis pas venu ici pour t'entretenir de ton esprit, mais seulement de ton corps. Écoute-moi, ton cadavre m'appartient de droit après ta mort. Cependant, la loi te laisse la faculté de me le vendre. Dis-moi donc ce que tu en veux. »« Ce que je veux de mon cadavre ?» dit le brigand. « Oui, et sois consciencieux. » Handisland s'adressa au guichetier. « Dis-moi, camarade, « combien veux-tu me vendre une botte de paille et un peu de feu ?» Le guichetier resta un moment rêveur. « 2 ducats d'or, répondit-il. « Eh bien, dit le brigand au bourreau, tu me donneras 2 ducats d'or de mon cadavre. »« 2 ducats d'or ? S'écria le bourreau. « Cela est horriblement cher. 2 ducats d'or, un méchant cadavre. Non, certes, je n'en donnerai pas ce prix. » Alors, répondit tranquillement le monstre. « Tu ne l'auras pas. Tu seras jeté à la voirie au lieu d'orner le musée royal de Copenhague ou le cabinet des curiosités de Bergen. Que m'importe ! Longtemps après ta mort, on viendrait en foule examiner ton squelette en disant « Ce sont les restes du fameux Handisland. » On polirait tes os avec soin, on les rattacherait avec des chevilles de cuivre. On te placerait sous une grande cage de verre dont on aurait soin chaque jour d'enlever la poussière. Au lieu de ces honneurs, songe à ce qui t'attend si tu ne veux pas me vendre ton cadavre. On t'abandonnera à la pourriture dans quelque charnier, où tu seras à la fois la pâture des vers et la proie des vautours. Eh bien, je ressemblerai aux vivants, qui sont sans cesse rongés par les petits et dévorés par les grands. « 2 ducats d'or !» répétait le bourreau entre ses dents. « Quelle prétention exorbitante ! Si tu ne modères ton prix, mon cher Handisland, nous ne pourrons traiter ensemble. »« C'est la première et probablement la dernière vente que je ferai de ma vie. Je tiens à faire un marché avantageux. » Songe que je puis te faire repentir de ton opiniâtreté. Demain, tu seras en ma puissance. Crois-tu ? Ces mots étaient prononcés avec une expression qui échappa au bourreau. Oui, et il y a une manière de serrer le nœud coulant. Tandis que, si tu deviens raisonnable, je te pendrai mieux. Peu m'importe ce que tu feras demain de mon coup, répondit le monstre d'un air railleur. Allons, ne pourrais-tu te contenter de 2 écus royaux? Qu'en feras-tu? Adresse-toi à ton camarade, dit le brigand en montrant le guichetier. Il me demande 2 ducats d'or pour un peu de paille et de feu. « Oh, si !» dit le bourreau, apostrophant le guichetier avec humeur. « Par la scie de Saint-Joseph ! Il est révoltant de faire payer du feu et de la méchante paille au poids de l'or ! 2 ducats !» Le guichetier répliqua aigrement. « Je suis bien bon de n'en pas exiger 4. C'est vous, maître Nicole, qui êtes aussi arabe que le chiffre 2, de refuser à ce pauvre prisonnier 2 ducats d'or de son cadavre. Que vous pourrez vendre au moins 20 ducats à quelque savant ou à quelque médecin. Je n'ai jamais payé un cadavre plus de 15 escalins, dit le bourreau. Oui, repartit le guichetier, le cadavre d'un mauvais voleur ou d'un misérable juif, cela peut être. Mais chacun sait que vous tirerez ce que vous voudrez du corps de Handisland. Handisland hocha la tête. De quoi vous mêlez-vous? Dit Aurugix brusquement. Est-ce que je m'occupe, moi, de vos rapines, des vêtements, des bijoux que vous volez aux prisonniers, de l'eau sale que vous versez dans leur maigre bouillon, des tourments que vous leur faites éprouver pour tirer d'eux de l'argent? Non, je ne donnerai point 2 ducats d'or. Point de paille et point de feu, à moins de 2 ducats d'or, répondit l'obstiné guichetier. Point de cadavre, à moins de 2 ducats d'or, répéta le brigand immobile. Le bourreau, après un moment de silence, frappa la terre du pied. « Allons, le temps me presse, je suis appelé ailleurs. » Il tira de sa veste un sac de cuir qu'il ouvrit lentement et comme à regret. « Tiens, maudit démon d'Islande, voilà tes 2 ducats. Satan ne donnerait certes pas de ton âme ce que je donne de ton corps. » Le brigand reçut les 2 pièces d'or. Aussitôt, le guichetier avança la main pour les reprendre. « Un instant, compagnon, donne-moi d'abord ce que je t'ai demandé. » Le guichetier sortit et revint un moment après, apportant une botte de paille fraîche et un réchaud plein de charbons ardents qu'il plaça près du condamné. « C'est cela, » dit le brigand en lui remettant les 2 ducats. « Je me chaufferai cette nuit. » « Encore un mot !» ajouta-t-il d'une voix sinistre. « Le cachot, ne touche-t-il pas à la caserne des arquebusiers de Munkholm ?»« Cela est vrai, » repartit le guichetier. « Et d'où vient le vent ?»« De l'est, je crois. »« C'est bon, » reprit le brigand. « Veux-tu donc en venir, camarade ?» demanda le guichetier. « Ah, rien, » répondit le brigand. « Adieu, camarade. À demain de bonne heure. »« Oui, à demain, » répéta le brigand. Et le bruit de la lourde porte qui se refermait empêcha le bourreau et son compagnon d'entendre le ricanement sauvage et goguenard qui accompagnait ses paroles.